8h15 minutes et on poursuit avec Raymond Poirier qui est chargé de communication au ITIS ici à l'Université Laval, donc technologie de l'information. Bonjour Raymond. Bonjour David. Ça va bien? Mais ça va très bien toi? Oui, merci. Donc ce matin on parle de ville intelligente, un concept assez nouveau mais qui est quand même est déjà pas mal développé, disons, à l'échelle mondiale. Oui, en fait, il y a plusieurs exemples, plusieurs éléments qui ont été mis en place. Bien entendu, c'est des expériences et c'est aussi un sujet auquel on devra s'intéresser, autant en tant que citoyen, autant qu'en tant qu'administration municipale, au fil des prochaines années. Pour te donner un portrait peut-être économique d'abord et avant tout, en 2010, il y a 8,1 milliards de dollars qui ont été dépensés pour la création de technologies dédiées aux villes intelligentes, et ça, c'est à l'échelle internationale. Il y a des recherches, notamment DBE Research, qui disent que d'ici 2016, eh bien, ce montant-là va passer à pratiquement 40 milliards de dollars. Alors, il y a une préoccupation grandissante de la part des administrations et ça se transfère en investissement. Ouais, ben ça, c'est quand même pas mal d'argent. Et à la base, là, c'est quoi une ville intelligente exactement? Question pertinente. Alors, en fait, quand on parle de ville intelligente, il faut pas voir ici une réflexion philosophique. On parle plutôt là, d'un ensemble de solutions techniques qui visent à l'optimisation du fonctionnement des aires urbaines par le traitement et l'analyse des données. L'enjeu, c'est donc de répondre aux difficultés qu'ont les infrastructures des grandes villes occidentales pour faire face à la croissance continue de leur population et de leurs activités. Et donc, nécessairement, mais pour maîtriser tout ça, ça devrait passer par les technologies de l'information et des communications. C'est essentiellement le principal vecteur de création des villes intelligentes, au même titre que ce sera, et ce l'est déjà, un vecteur important de changement économique et social. Et donc, ce qu'on dit, c'est que, essentiellement, avec l'adoption de villes intelligentes, eh bien, il y a des applications concrètes qui peuvent être faites pour optimiser justement ces réseaux-là, ces infrastructures urbaines-là. Bon, les villes intelligentes, ça permet de préparer à la transition écologique, ça facilite l'intégration efficace des énergies renouvelables dans les circuits urbains, ça permet l'optimisation énergétique des infrastructures, ça peut permettre de gérer en temps réel la congestion du réseau routier, le transport en commun, prévoir les pics de consommation d'électricité, aiguiller les usages des habitants en conséquence, ça peut permettre de visualiser les déperditions d'énergie à grande échelle, d'initier des programmes de rénovation urbaine plus efficaces, et tout ça basé donc sur un système de technologie de l'information et communication. On peut penser à des systèmes déjà en place, le Wi-Fi ou encore la téléphonie cellulaire. Ouais, ben j'allais dire c'est le meilleur des mondes, hein. Les villes intelligentes, c'est pratiquement en tout cas de ce qu'on en entend, ben, de ce que tu viens de nous dire comme description, ça règle un peu tous les problèmes. Dans le fond, c'est vraiment d'un point de vue efficacité là, de gestion d'une ville finalement. Donc que ce soit comme tu l'as dit des problèmes de congestion, ça serait par exemple d'avoir un réseau qui permettrait de contrôler à distance en temps réel. Par exemple, un carrefour, quelque chose comme ça. Oui, ben en fait, si on pousse un peu plus loin, il y a des gens qui sont dans la circulation présentement ce matin, qui nous écoutent ou qui viennent de passer dans la circulation, qui ont peut-être un téléphone cellulaire qui est ouvert, un iPhone, BlackBerry ou autre, n'importe quoi, qui émet des ondes, dans le fond, dans leur véhicule automobile. Et donc, si hypothétiquement, on est en mesure d'avoir accès à l'ensemble de ces données-là, donc à l'ensemble des petits points qui disent, OK, il y a un cellulaire là, on sera en mesure de suivre en temps réel l'évolution du trafic, de savoir où sont présentement les points de congestion, et sans avoir à faire des dépenses assez imposantes pour mettre en place des caméras, comme c'est le cas peut-être un petit peu plus actuellement. Donc, on aurait accès à une information en temps réel. On pourrait voir, OK, ici, il y a un problème de trafic, ça semble plus fluide, qu'est-ce qui se passe, ou inversement, ouais. Voir aussi les chemins qui sont utilisés par les conducteurs, par les conductrices, voir si effectivement les artères qu'on propose, les solutions qu'on propose à la congestion fonctionnent, sont utilisées, ou au contraire, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont utilisées, mais auxquelles on n'avait pas pensé du côté de l'administration municipale. Mais à ce point-là, il faut avoir accès à ces données-là, mais j'imagine qu'il faut quand même demander la permission. Il y a quand même sûrement un risque d'intrusion aussi, parce que bon, ton téléphone, en même temps, tu veux t'assurer d'avoir une certaine sécurité. D'ailleurs, ça entre parmi les critères que les consommateurs mettent en tête de liste. Donc si, par exemple, moi, je suis dans le trafic, puis que ma ville est intelligente, bon, on parle encore une fois hypothétiquement, mais on peut me retracer, on peut, à ce moment-là, il y a aussi un équilibre à aller chercher, là. On peut s'en servir de façon un peu pernicieuse. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de négocier, justement, bon, d'un côté, une acceptabilité sociale autour de ces mesures-là. De l'autre côté, de voir avec les fournisseurs, par exemple, de téléphonie cellulaire, ben, de voir si eux aussi seraient prêts à échanger, à ouvrir ce type de données-là. Mais effectivement, il faut aller chercher quand même un consensus global. Je parle de téléphonie mobile. Bon, ça peut inclure aussi la fibre optique, les ordinateurs, les logiciels réseau, tous les systèmes satellites, les applications associées aussi, vidéoconférences, télémédecine, télétravail, télésurveillance, toutes les infrastructures disponibles d'informations en temps réel. Nécessairement, ben, il faut justement aller chercher une entente pour bien les utiliser et pour bien sensibiliser aussi les citoyens au type d'informations qu'on va chercher. Donc, exemple, si on dit on va chercher votre localisation, ben, on s'en tient à ça. On va pas chercher vos conversations, vos informations personnelles. Mm-hmm. L'idée, c'est simplement de savoir qu'il y a un individu qui est à un endroit précis, à un moment précis, mais de pas savoir qui est cet individu-là, qu'est-ce qu'il fait là et les raisons. Donc, c'est vraiment une manière de voir un peu comment les flots de population s'organisent dans la ville et également à travers ces réseaux-là de permettre aux citoyens ou à la citoyenne d'être peut-être un peu plus engagé au sein de sa ville de par ces possibilités d'interaction-là aussi. Donc, on parle du trafic, mais je veux dire, il y a d'autres exemples. Je t'en donne un. En France, il y a eu un test qui a été fait qui s'appelait Peuplade.fr et eux essayaient de créer du lien social dans les quartiers parisiens et grenoblois, en utilisant... Grenoblois, merci. C'est difficile à matin pour ce mot-là. Alors, ça, c'est un site interactif qui permettait de créer des contacts entre habitants d'un même quartier, que ce soit pour l'organisation d'événements, bourses d'échange et autres. Et avec ce moteur-là, ben, on pouvait savoir s'il y avait des gens de notre quartier, de notre peuplade, entre guillemets, qui se retrouvaient dans le même secteur. Inversement, il y a d'autres programmes qui avaient été faits pour essayer de mesurer la joie d'une ville. En fait, est-ce que les citoyens étaient joyeux et où étaient-ils joyeux? Exemple, bon, pendant le festival d'été, il y a plein de spectacles. On imagine que les gens sont assez contents d'être là. Et donc, il y avait une application qui pouvait être téléchargée par les citoyens et citoyennes. C'est un peu comme le site web, finalement. Bon, avec Twitter, maintenant, oui. Il y a des sites web qui se sont développés qui permettent de savoir, bon, mais qu'est-ce qui a été tweeté et où. Par exemple, bon, l'exemple numéro un qu'on a eu, c'est cet automne, c'était le 11 septembre quand c'est arrivé à New York, il y a eu un pic de tweets qui concernait ça, mais c'est un peu ce genre d'information-là, c'est un peu ce genre d'application-là qu'on peut en faire aussi. Oui, en fait, d'une certaine façon, on va chercher l'information sur Twitter, on analyse un peu les tweets avec des mécanismes qui existent déjà. De l'autre, les citoyens ont cette application-là, ils peuvent noter en fait leur sentiment à un moment précis, dire « bon, ok, je suis heureux ». Ils cliquent tout simplement, et s'il y a des milliers, des millions de gens qui font la même chose en même temps, ben, on arrive à avoir une cartographie quand même assez intéressante du sentiment dans une ville. Et donc, ça permet aux citoyens aussi d'être quand même actifs là-dedans. Ça permet à d'autres citoyens de voir cette cartographie-là et de dire, mon Dieu, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Mm-hmm. Ou de voir ben, si quelque chose a fonctionné dans une manifestation culturelle ou autre, si ça a peut-être un peu moins marché. Et si on pousse un peu plus loin aussi, et ça a été mis en place à San Francisco, toujours des versions test, mais eux se sont dit, on va essayer d'utiliser ces moteurs-là pour... amener les gens et les guider, par exemple, dans leur pérégrination nocturne. Donc, on sort en ville, on veut aller là où ça se passe, entre guillemets. Comment on peut savoir où est-ce que ça se passe? Eh bien, notamment avec une cartographie intelligente où on voit où se trouvent justement les gens dans les lieux publics, dans les bars et autres. Et ça permet peut-être un peu de s'orienter. Donc, c'est des éléments comme ça qui peuvent être mis en place. Un autre, peut-être en lien avec l'environnement, ça s'appelle City Pulse. C'est des citoyens qui avaient été amenés à porter une montre qui prenait à des moments précis, à des échéances précises pendant la journée, une évaluation de la qualité de l'air de la ville. Donc, ça permettait, plutôt que d'avoir des émetteurs fixes, de suivre les citoyens et citoyennes au fil des heures, au fil des déplacements, et d'avoir une mesure... en temps réel, dans le fond, et cartographier également la qualité de l'air qu'on retrouvait dans des villes où c'est peut-être un peu plus problématique aussi là, quand on parle d'éléments comme ça. Puis, juste parce que, bon, le temps passe assez vite, Raymond, juste donner peut-être aussi une information par rapport, bon, en ce moment, où ça se passe? Parce que, bon, à Québec, bon, je pense pas qu'il y ait encore vraiment de grands réseaux développés, mais dans les grandes villes, moi, de ce que j'ai cru comprendre aussi en faisant quelques petites recherches rapidement quand j'ai vu ton sujet hier, j'ai vu que c'était surtout des villes asiatiques. informatique aussi qui avait développé ce concept-là. Où on en est exactement, là, disons, dans la map monde des villes intelligentes? Mais tu as effectivement raison. En fait, l'Asie qui se préoccupe de plus en plus de ce problème-là. Il faut dire que ils ont des problèmes d'espace, notamment, et donc comme ça permet de redéfinir ou de mieux optimiser les infrastructures urbaines, ben dans leur cas, il y a une application plus urgente peut-être que d'autres secteurs où ici on a plus de place. Parallèlement, il y a aussi beaucoup d'expériences qui ont été faites. Ben j'en ai trouvé en France, j'en ai trouvé dans les pays scandinaves, aux États-Unis aussi, notamment Minnesota, côte ouest également. Alors tranquillement, des petites expériences qui sont mises en place. À Québec, il y a pas encore de mouvance autour de la question de villes intelligentes de manière précise, mais par contre, il y a plein d'initiatives qui sont mises en place qu'on peut rattacher aussi à cette thématique-là. On peut penser par exemple au RTC avec la carte puce. On peut penser à cette idée de mettre des GPS dans les autobus pour savoir où ils se trouvent. Éventuellement, ça pourrait mener à une cartographie en temps réel d'où sont les autobus. Il y a aussi tout le réseau de Zap Québec, par exemple. Donc, il y a une ville qui est de plus en plus branchée, qui est de plus en plus Wi-Fi. Même, on est très bien positionné en Amérique du Nord là-dessus. Alors, il y a plein de petites initiatives comme ça qui sont présentement peut-être non reliées. Ça paraît anodin, mais finalement, c'est quand même des petits acquis tranquillement pas vite qui nous amènent à ça. On part pas de zéro du tout ici. Là. Et donc ça risque d'être assez intéressant de suivre ça, de voir justement de quelle manière, par exemple, Québec pourrait embarquer dans cette mouvance-là et parallèlement de continuer de suivre aussi les exemples, les expériences qui vont être développées à l'international. Excellent. Bien, merci beaucoup, Raymond. Puis, je crois que tu avais un autre petit truc à rajouter qui avait... Oui, en fait, c'est simplement une petite mention, une petite annonce au passage. Je vous incite peut-être à le mettre d'emblée dans votre agenda. C'est une belle nouvelle qu'on a. Le 3 novembre prochain, on organise une conférence ici à l'Université Laval, à l'Atrium Jean-Guy Paquette, donc du pavillon Alphonse Desjardins. Ça va être à 11h30. C'est de la belle visite. En fait, on va voir ici à l'université le super ordinateur d'IBM, Watson. Alors, un peu dans la lignée de Deep Blue qui avait battu les grands champions d'échecs dans les années 80. Eh bien, Watson a été capable d'apprendre des informations générales et de gagner à Jeopardy, donc jeu télévisé. Et on va avoir donc des gens de l'équipe californienne qui ont créé ce super ordinateur-là, qui vont être ici sur le campus. Alors ça, c'est jeudi le 3 novembre et j'aurai sûrement l'occasion de te reparler de Watson dans les prochaines semaines. On a très hâte, on va aller voir ça et on vous le recommande d'y aller, ça risque d'être bien intéressant. Merci beaucoup Raymond. Ça me fait plaisir. Merci. Alors voilà Raymond, chargé de communication à l'Institut de technologie et de l'information et société, l'ITIS, ici à l'Université Laval.